j'suis pas Clio, ODRF, j'suis pas Fekir, Riyad Mahrez, coq dans le nez, fuck la paresse, fusil de chasse au cas si t'es balèze, paille SFR, chaque jour un thème, j'suis dans Zendel, chaque jour un thème, on fait de l'argent, tu portes l'œil, balle dans la jambe, tu portes plainte, 200 000 euros, pas mal, on me fait hakat, si tu tires c'est logique, perdre la guerre, banal, mais perdre la vie pour le coup c'est moins chic, tu dois des sous, le frigo est vide, tu fais le plein des snaps au carré VIP, tu fais le fou, parle de calibre, les balles sont rapides et tu cours pas plus vite, monnaie, déter en air, vise les millions comme le gang des Lyonnais, tu nous connais, on parle pas beaucoup mais devant la police, mec on est baïonné, les baillons valides, photo et film, jamais sans rien quand je roule dans ma vie, un joint, une feuille, une blonde imbriquée, viens par ici quand je t'apprends la vie, hey. C'est là pour moi, donc double-moi. C'est à l'homme, toi, t'es l'homme, mais se fout de moi. Rafale sur sa mère, oui, je vais faire des dégâts. Dégâts, couvrez-moi. Je viens de la rue, je suis entouré de traîtres, gros, y'a plus rien qui cloche. Couvrez-moi. Tu parles beaucoup, mais tu vas m'éjacter le calibre dans la bouche. Couvrez-moi. T'es pas dans la tête, oui, j'ai perdu des fers, j'en ai plus rien à foutre. Couvrez-moi. Plus rien à foutre. Couvrez-moi. Plus rien à foutre. J'ai jamais balance. Quand c'était chaud, billets violés, nous on paye l'avocat. On a pris des sous, risqué des peines. En cellule, on cache la puce dans la boca. Père de Dior, Valentino. Je suis respecté par les vaillants chez nous. Le BQ est fort, regard en Dinon. Invite-nous au fit, obligé qu'on dise non. Arme de l'Est, Algérienne de l'Est. Nous marche pas dessus, gros, la terre, c'est nous. Je pars en Espagne, chercher la frappe. Je rentre à Marseille, je pars à Salou. Gros diamant brut, Sierra Leone. Rafale qui sort droit, tu sais, y'a que Léon. Regard est froid, on n'a plus la foi. Monte-toi une fois, je t'allume comme dans les lions. Mesure tes paroles, gros, ta langue te tuera. Je roule en bolide, tu fais ton plein. Les traces ont deux sens, n'écoute pas celui qui te dira, qui te guide et qui veut ton bien. C'est pas de manière qu'on va te berner. La mort au Titi, voilà ce que t'as gagné. Arme à la main, sans l'endamier. On va te faire dormir jusqu'au jugement dernier. Hey, tu me dis que t'es là pour moi, donc double-moi. C'est à l'op, toi, t'es l'opé, mais se fout de moi. Rafale sur sa mère, oui, je vais faire des dégâts. Je suis entouré de traîtres, gros, y'a plus rien qui cloche. Couvrez-moi. Tu parles beaucoup, mais tu vas moins jacter le calibre dans la bouche.